Salut, c'est Ray. Faites comme nous, les joyeux loufoques, et écoutez Anime dans Mélodie. Bonjour et bienvenue dans ce 47e numéro de Animer nos mélodies. Au sommaire, nous allons à la rencontre d'un fameux pirate de l'espace nommé Cobra et on va bien rigoler avec des lycéens loufoques dans High School Kimengumi, alias le collège foufoufou. Venu de nulle part, c'est Cobra. Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Mais il est toujours là, c'est Cobra. Et plein d'effroi, les pirates de l'espace. Rien qu'à son nom, voient leur sang qui se glace, se glace, se glace. Mais quand il y a danger, c'est Cobra qui vient pour nous aider. Cobra. Oh nous machines, nul imagine. C'est le secret de Cobra. Dans toutes les galaxies, c'est Cobra. Quand il se bat, c'est toujours sans merci. Il ne connaît pas la pitié pour tous ses ennemis. Mais il risque sa vie, c'est Cobra. Sans crainte ni répit, Cobra. Personne n'est à l'abri, c'est Cobra. Androïde et robot, c'est l'univers zéro. Mais votre roi est là, et votre roi c'est Cobra. Vous venez d'entendre le générique français de Cobra, chanté par Olivier Constantin. Je ne vous ferai pas l'affront de vous parler de la série, aussi je préfère me concentrer sur les génériques français et japonais de Cobra. Les paroles de ce générique, devenu culte aujourd'hui, ont été créées par un certain Paul Persavon, un pseudonyme utilisé dans quelques génériques comme celui de l'Empire des Cinq, de l'Île au Trésor, par le talentueux et cynique Antoine de Cônes, le trublion des années Canal+. Les musiques, elles, ont été créées par Jacques Revaux, compositeur du tube désormais mondialement connu Comme d'habitude, ou My Way en anglais, et Jean-Pierre Bourterre. Au tout départ, Bruno René Huchet, l'importateur de la série et producteur du générique, voulait qu'un artiste connu et reconnu, chante le générique et proposa donc à Michel Sardou, qui finalement se désista, et c'est l'un de ses choristes qui sera choisi, le bien nommé Olivier Constantin. Olivier Constantin, vous connaissez tous sa voix. Non pas seulement à travers les génériques de dessins animés comme celui de Super Durand, de Zatch Bell, mais aussi à travers des films d'animation pour le cinéma comme Le Prince d'Égypte où il interpréta Moïse, mais aussi Cusco, l'Empereur Mégalo, Excalibur, l'Épée Magique, et surtout les chansons de Jack Skellington dans L'Étrange Noël de Monsieur Jack. Une autre chanson culte, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et la fameuse chanson du Chevalier Blanc, non pas interprétée par Gérard Lanvin, qui joue le rôle du Chevalier Blanc, mais bien par Olivier Constantin. Bon ok, c'est pas un animé, mais j'ai envie qu'on l'écoute ensemble. On m'appelle le Chevalier Blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Dans la campagne résonne de la poudre, je vais et vole plus vite que la foudre. Mon épée est prête à servir, l'ennemi n'a qu'à se tenir. Déjà que je suis respecté du paysan au chevalier. On m'appelle le Chevalier Blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Dans la campagne résonne la poudre, je vais et vole plus vite que la foudre. Mon épée est prête à servir, l'ennemi n'a qu'à se tenir. Déjà que je suis respecté du paysan au chevalier. On m'appelle le Chevalier Blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Sans toi ma tête fut mise à prix, jamais personne ne m'a pris. Personne ne me fait pas peur, j'ai pour moi la force et l'honneur. La justice est qui demandera, jamais rien ne l'arrêtera. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On m'appelle le Chevalier. Je remercie Rui Pasquale et Olivier Fallet pour les anecdotes qui proviennent de leur livre « La belle histoire des génériques télé » paru aux éditions Inis. Vous trouverez le lien pour pouvoir l'acheter via Amazon en description de ce podcast. L'opening et ending japonais, lui, est chanté par Yumi Seino. Yumi Seino, malgré son talent, n'a pas spécialement percé durant les années 80 avec seulement deux albums, Natural Woman en 1981 et Continental en 1983, qui oscille entre de la pop classique et un style jazz fusion, mais de qualité. Sa participation à un opening ending sur un animé est purement commercial, mais rentre dans la logique de l'époque de la TMS, producteur de la série, mais aussi celle de Cat Size et qui offre des openings et endings à des artistes reconnus ou poussés par les agences et les labels. Quoi qu'il en soit, Yumi Seino entre dans la légende de l'animation avec l'opening Cobra et la magnifique Secret Desire qu'on écoutera tout à l'heure. Ah, j'ai oublié, c'est Yuji Ono, le papa des musiques de Lupin the Third, donc Edgar Gentleman Cambrioleur en France, ou du Capitaine Flamme, qui en a signé la composition et l'arrangement. Comme quoi, Yuji Ono, qui a un style proche de Kentaro Haneda, n'est jamais loin. Pour l'instant, il est temps de retrouver l'opening de Cobra. Maといつく陰りは男という名の物語。 Les musiques de la série Space Adventure Cobra, tirées du manga de Boichi Terazawa, sont signées Kentaro Haneda. Nous avons déjà parlé de lui dans le spécial Macross Robotech, ou pour la série Metentai Holmes, Sherlock Holmes en France. Je vous prépare d'ailleurs un omake sur Haneken, le surnom de ce compositeur extraordinaire qui aura fait rêver musicalement des millions d'enfants dans les années 80. Pour la série Cobra, c'est une volonté de la TMS d'offrir une bande-son de qualité à la série, capable de rivaliser avec les productions pour le cinéma, que ce soit pour la musique que pour l'animation. La TMS à cette époque voulait faire des séries de prestige comme pour Cat's Eye et rassembler non seulement les enfants, mais aussi les parents devant la série. En cette année de 1982, c'est un peu la consécration pour Kentaro Haneda. En effet, coup sur coup, il va connaître deux succès majeurs, Macross et Robotech. Ces deux séries sont tous les deux de la SF et ont eu la particularité d'avoir une BO qui aurait pu avoir la même origine. Heureusement, autant la série Macross possède des musiques plus symphoniques et rock variété, celle de Cobra semble être une sorte d'itération symphonique, mais en plus jazzy et plus noir, voire cauchemardesque, dans ses thèmes, usant de cors, de trompettes sauvages et omnipotentes, et de violons sanglotant les morts violentes des héroïnes de l'histoire. Que c'est beau. Il est temps d'écouter ensemble cette BO mythique qui se terminera par Secret Desire, le ending donc chanté par Yumi Seino. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Ushiro Yubi Sasaragumi est composé de Mamiko Takai et Yukiko Iwai, un duo de J-pop créé en 1985 et dissous en 1987, sous-groupe du groupe Onyanko Club, dont font partie également ses deux membres. Il faut savoir que ce duo éphémère s'arrêta avant la fin de l'anime, et un nouveau sous-groupe du Onyanko Club reprit la relève pour interpréter les openings et endings sous le nom de Ushirogami Ikaretai. Il existe en tout et pour tout 5 openings et 8 endings pour cette série. Présentez Anne-Laure, elle passera l'année avec nous. J'espère que vous ferez vite connaissance et que vous vous occuperez bien d'elle. Tu veux parler ? Oui, je m'appelle Anne-Laure et je vous salue. Eh bien, où est-ce que tu veux t'asseoir ? Madame, justement, il y a une place à côté de moi. Oui ? Julie a de la chance, elle ne finira pas l'année toute seule. Mais pourquoi est-ce que vous dites ça ? C'est elle qui a de la chance. Je t'ai pas dit, c'est vrai que la plupart des garçons sont pas terribles, mais dans cette classe, il y en a quelques-uns qui sont très bien. Ah oui, c'est vrai. Alors où ils sont? Les garçons bien, les voilà. Ah oui? Lui, c'est le chef des joyeux loufoques. Tu verras, c'est un numéro, c'est Ray. Et le grand, tout à fait à droite, c'est Jim. Celui avec les grandes dents, c'est Jean. Mais tout le monde l'appelle Jeannot. Celui avec les gros yeux, c'est le grand complice de Ray. C'est Ted. Et le dernier, celui qui a les cheveux longs, c'est Dan. Ton avis ? Ils ont l'air pas mal du tout. Je sais même plus d'où vient ce nom. Ça fait déjà plusieurs années qu'on le porte. Tout le monde pense que nous sommes une particularité de l'établissement. Nous sommes des joyeux loufoques. On peut aller n'importe où. Et tout le monde nous aime. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il paraît qu'on a de bonnes têtes. Et aussi beaucoup d'humour. Et en tous les cas, nous sommes toujours inséparables. Si votre enfant pleure tout le temps, il ne vous reste qu'à lui montrer... Les joyeux loufoques. Ah, que c'est bon! Ah oui, c'est bon. C'est si bon que j'aimerais bien qu'on recommence. Ça suffit, ce bruit dehors! On ne s'entend plus! Allez, venez, on s'en va. Les musiques de la série ont été composées par le grand Shunsuke Kikuchi. Nous avons parlé de lui à travers Dragon Ball, Dragon Ball Z, dans des anciens numéros d'animés de mélodie, mais l'on peut dire que sur cette série, il se rapproche plus de son travail sur le Dr. Slump. En tous les cas, les musiques sont toutes excellentes et font partie intégrante du succès de la série. On écoute la musique et on se retrouve à la fin pour le final. Thank you. ママに聞いても Animer nos mélodies, c'est terminé pour ce mois-ci. Je remercie mes partenaires, Franck Animé Live, Radio Anime, Ryodoka et Yann Kouza, The Sand Squad. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro et on se quitte avec l'opening de Hamagodess, Solezole no Tsubasa avec le titre Chiawaze no Hiro, chanté par Ichida Yoko. A bientôt et n'oubliez pas que la musique d'animé, ce n'est pas que pour les Japonais. Oh. vous gagne.